pour être. L'heure de la faillite de l'homme est bien souvent l'heure de la puissance de Dieu, nous prévient Paul Huex, qui était le père abbé du monastère cistercien Notre-Dame de Timadeuc, en Morbihan. En est ainsi au cours de l'histoire humaine, lorsque les hommes s'égarent, la voix de l'Esprit résonne en eux et extérieurement, pour les rappeler à la réalité de la vie, une et continue. Si nos ancêtres celtes aimaient tant la forêt, c'est qu'elle était pour eux lieu de révélation, où le vent de l'Esprit animant la vie végétale les rappelait à ce mouvement universel qui est vie cosmique et divine. Or, à l'heure présente, où les hommes s'égarent chaque jour plus avant dans une folie destructrice et meurtrière, l'Esprit vient de toutes parts nous faire ressentir la puissance infinie de ce que nous nommons Dieu, puissance créatrice, puissance destructrice, puissance alternative du mouvement de la vie originelle qui nous porte en l'infini du temps et de l'espace. Cette puissance créatrice est le dessein d'amour de ce que l'on ne nomme pas et que l'on appelle Yo dans la tradition celtique. Dieu, pour la communication courante, qui sans cesse appelle tous les humains à participer pleinement à sa vie. En effet, l'homme n'est-il pas destiné à s'identifier au Dieu par participation pleine et entière à sa vie? Pour cela, il nous faut ici et maintenant avoir foi pleine et entière en la réalité du divin cosmique, en lequel nous sommes immergés, pour accéder à la liberté des fils à laquelle nous sommes appelés, nous permettant à notre tour de proclamer à la face du monde la dignité filiale de tout homme, notre vocation étant, de toute éternité, de devenir une personne consciente parce que fils de Yo. Or, cette attitude volontariste à être, nous ne pouvons espérer voir aboutir le dessein cosmique nous concernant. Aussi, acceptant cette réalité à être vrai en nous, arguir en breton, nous sommes entraînés à l'heure du choix à annoncer et apporter la liberté sur la terre. Faute de quoi, devant notre négativité habituelle, donc inutilité, à disparaître. Certes, notre foi a une soumission difficile mais libératrice à l'esprit, souffle de la vie, nous invite à nous confier, corps, âme et esprit, toute notre personne, à l'action transformatrice et divinisante du souffle créateur et recréateur. Aussi, il nous faut humblement nous abandonner avec confiance à ce souffle de vie et le laisser nous conduire comme et là où il veut, faisant de notre acte de foi une expérience de libération. Notre raison d'exister ici-bas repose en effet sur la seule volonté amoureuse de Yo, qui, dans le secret de notre cœur d'homme, nous répète inlassablement « Je t'aime ». Est sonner l'heure où être présent aujourd'hui est vivre cette volonté qui nous invite à réaliser en elle l'aventure de la filiation, à être en relation d'amour et de confiance avec Dieu en tant que Père. Nous reste alors simplement à vivre en se réjouissant de la joie même du Créateur et adorer ce Dieu amour, cet absolu qui ne peut qu'aimer, donc créer à l'infini pour notre bonheur. Soyons à notre tour le poverolo d'Assise, perdu dans la forêt et répétant à l'infini sa joie à être en toi, toi, toi. Jean.